tout le monde, des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 19 au 25 septembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante et cette semaine, je suis seul. Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé. On a 5 nouvelles entrées cette semaine. On va entendre plus tard dans l'émission Doug Day, Dan Mangan, Salomé Leclerc et Elliot Brad. Mais on va débuter en 20e place avec Reine de France et Toxic Tuxedo. Restez avec nous parce que plus tard dans l'émission, il va y avoir, comme toujours, les meilleurs moments d'assemblage requis dans la chronique Un instant classique. Ça va être excellent, ça. Donc, on commence tout de suite en 20e position francophone, je viens de le dire, en nouvelle entrée. Voici Reine de France sur leur Maxi 2, Un été à l'ère de la révolte. Toxic Tuxedo commence à l'instant et c'est très, très jeu vidéo. Donc, j'adore ça. Hein? Water's deep

chances, oh forces, luck. Fields arid, windows boarded, enough. Les dernières nouvelles entrées de cette édition des Palmarès, c'est fou. Ça, c'était Dog Day avec Daydream en position numéro 18 anglophone. Avant ça, on a sauté par-dessus la 18e franco parce qu'il n'est pas nouvelle. Metagruo avec Jupiter qui descend de 12 places. Avant donc les 19e places, ces deux-là étaient nouvelles. On a entendu Dan Mangan avec Oh Fortune sur l'album Oh Fortune. Et on a débuté avec Salomé Leclerc et Tourne encore sur l'album Sous les arbres. Très bon petit bloc de nouvelles entrées. Je crois que ça va marcher, ces affaires-là. Ça va monter, ça. On va les voir le grandir devant nos yeux comme les enfants vedettes de la télé. Côté 17e place maintenant en anglophone, c'est The Jolts avec I Wanna Dig Where the X's Are, qui était nouvelle la semaine passée, mais on débute avec Antoine Corriveau qui est là depuis 6 semaines. C'est l'uniforme en 17e francophone tout de suite au 89.1 FM. C'est fou!

pièce qui passe très très vite ici au Palmarès Sifu 89 FM. On vient d'entendre la formation The Jolts avec I Wanna Dig Where the X's Are. La pièce est aussi rapide que moi en train de dire ce titre-là de chanson. Ça monte de 3 places, c'était nouveau la semaine passée sur l'album 8%. Et on a commencé avec la 17e place francophone Antoine Corriveau et l'uniforme. Ça descend de la 3e, donc très très grande chute pour cet Antoine Corriveau-là. Très, très grande chute pour l'uniforme. J'espère que c'était pas sur du gazon, sa chute, sinon on va être taché. C'est serré d'être drôle, vous autres, avec des pièces de palmarès. Hein? Position numéro 16 de chaque côté. En anglophone, il y aura Friska Vilhor, un de nos coups de cœur, nous, à Assemblage Requis, du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plant. On adore Friska Vilhor avec Larry Onov. Ça monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais on débute avec Charlie Foxtrot. Voici Stable en 16e, éternel pessimiste sur C'est fou. Dans vos oreilles. Pourquoi t'essayes pas, t'as pas commencé, t'abandonnes déjà. Allez on verra bien c'est quoi le résultat. Ah oublie ça, ça marchera pas. Comme un charbon sur un seul accord, une seule réponse à tous vos efforts. Je reste fidèle, je trouve une défaite. Ça m'a mis en confiance jusqu'à la mort. Tout le manque de confiance en toi qui t'a fait perdre le bon sens. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Faut prendre une chance, allez, pourquoi pas. Oublie ça, je le sens pas. On peut toujours essayer, mais je pense pas. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Numéro 16. Ah, je suis en amour avec ces pièces-là, même si c'est super redondant. Ça arrive des fois d'être en amour avec des choses redondantes, c'est rare, mais bon. On va entendre Friska Vilhor avec Larry Hunov, ça monte de 3 places en 16e position anglophone, c'était nouveau la semaine passée. Et avant ça, on a entendu Charlie Foxtrot avec Éternel Pessimiste, c'est stable. Et c'est la 3e semaine pour ce morceau de l'album Mise en Abîme. On sera en 15e place à l'instant, pourquoi pas, à l'entendre du côté anglophone, une pièce qui descend de 6 places, c'est Sister Joan par The Megaphonic Thrift. On va débuter avec OK Volka. Ça, c'est le groupe avec le gars qui crie tout le temps. Si c'était pas là, ça, j'adore ce que OK Volka fait en général, sauf le gars qui crie. Tenez-vous-le pour dit, j'aime pas tant le gars qui crie. Mais c'est une question de goût, c'est très, très subjectif tout ça. OK Volka avec Facteur Temps tout de suite au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Oh oui, oh oui. Ta-da-da! Et voilà. Numéro 15.

Hunt You avec la formation de Pac AD en position numéro 14, ça monte de 4 places. Et avant, on a entendu Peter avec Tergiverse. Et lui, un petit peu plus de chute, disons. Hein? C'est 6 places, mettons. Environ, si je devais estimer, environ 6 places. Je comptais mes affaires mathématiques pour mon fort. Il nous reste les positions numéro 13 à entendre dans cette première heure de l'émission Les Palmarès, c'est fou. Tout à l'heure, il y aura Darlings of Chelsea avec En stabilité totale, You're Not a Rolling Stone. Mais on débute avec Karim Ouellet qui descend un peu. Mettons 6 aussi, mettons. Voici Catastrophe sur C'est fou 89.1 FM. Il faudrait que je me force. Tu sais, les petites cartes, les petits cartons qu'on avait au, c'était quoi, au primaire, sûrement pas au secondaire. Les additions, soustractions, c'était bon. Ouais, mal m'acheter ça. Your friends to the ants after hours are closed. Got nothing to show. A zero no one knows. Rolling Stone par Darlings of Chelsea, stable en 13e position anglophone. Et avant, on a entendu Karim Ouellet avec Catastrophe. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est fou, mais on se retrouve tantôt avec une deuxième et très adorable heure. Il y aura entre autres là-dedans Kid Sentiment, Bradley Cardi, les Breastfeeders, les Vulgaires Machins, The Last Assassins avec Jean Leloup, Astra et Library Voices et les meilleurs moments d'assemblage rocky dans un instant classique qui restait là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa, makes me wanna smoke crack. Deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 19 au 25 septembre 2011 avec moi-même Mathieu Plante et je vous rappelle que Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine. On commence avec les 12e positions pour cette deuxième heure. Il y aura tout à l'heure Ostra avec une pièce de leur album Feel It Break et c'est Shoot the Water. Ça monte de 5 places, c'était nouveau la semaine passée. Mais on débute avec Les Vulgaires Machins, un extrait de leur album acoustique qui s'appelle Les Vulgaires Machins. Et ça descend d'une place, voici Je chante pour les sourds et juste après, restez là pour un instant classique. Les nerfs abîmés, j'ai un peu trop martelé dans le vide. Malmené par le doute et les cordes vocales en ruine. Si seulement tout ce qu'on prêche, on le mettait en pratique. Ma dernière abstraction dévie toute seule dans la brume. Quand je n'ai que l'apathie et la promesse d'en pleurer, je suis mon unique ennemi. Thank you.

Le trio Ostra avec Shoot the Water, ça monte de 5 places en position numéro 12 anglo, et on a entendu juste avant les vulgaires machins avec Je chante pour les sourds qui descendent d'une place. Avant de passer aux positions numéro 11, Bradycardi et The Last Assassins avec Jean Leloup. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 19 septembre 2011. Ça va aller? Ça va déjà mieux. Là. Une chose qu'on a de vieilles feuilles des palmarès dans le studio pour évacuer les besoins. Hein, on ferait pas ça dans une zone campus quand même. Moi, jamais de la vie. Partagez certains de ces articles les plus mémorables sur Facebook et sur Twitter. Twitter? C'est comme ça que t'appelles ça? En français, moi, je suis pour la loi 101. C'est Twitter. Jump Pact, comme on l'appelle, ou en français, emballage confiture. Emballage confiture? Jump Pact. C'est les prix Polaris. Les quoi, les prix Polaris? Les prix Polaris. Pas Paul de son prénom, Harris. Polaris. De son... Polaris. C'est pas Harry Lee Anderson non plus, là? Non. Il y a pas c'est de... Paul et Harris. Paul Yaris. Paul Yaris, non. Non. C'est Polaris. P-O-L-A-R-I-S. Polaris. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Abordons le sujet à la place de... De tourner autour. De tourner autour du Polaris. Oh! Polaris! Hein, on l'arrisse plus, hein? On l'arrisse pas en tout. Parce que je dois quitter plus tard. Ah, tu me dis ça là, tu pourrais au moins attendre la dernière minute pour pas me déprimer en ondes. OK. Hein? OK, parfait. Écoute, je te le rappelle quand je m'en vais. Tu me l'as déjà dit. Ouais, mais tu sais, oublie ça, c'est pas vrai. Donc, pour l'instant, voici Zoo, c'est Fever of the Time. À demain, François. Et Didou, à tout salut à l'heure, Mathieu. Mais oui, les autres, ça va pas, là. Hein? Non, salut les autres. Mais Tigidou, beau travail. Bon, je t'en ai. Merci. Salut. Bye. Bon départ. Tigidou, la you. T'as l'air d'un vieux monsieur quand tu dis ça. Donc, une chronique dont on peut se servir. Ouais, mais tout le temps. Ben, tout le temps. Ça peut être pratique. Ça pourrait être le nom de sa chronique. Ouais. Et on pourrait dire que Yann Martel est l'homme dont on peut se servir. Ah, peut-être pas. Pour les conseils financiers. Ah oh oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Non, c'est Fabien Lamas. Avec Mathieu Plante. Et François Marchand. J'adore ton petit bouffon. Merci beaucoup. Je vais le faire avec ma bouche. C'est le bloc qui était deux fois. Attends, je vais essayer. Il faut que je me mette dedans. Ouais, concentre-toi. La la la. La la la. La. Avant d'accueillir notre amie Myriam Fugère. Et ça, 8 heures. Oui, sa chronique. Comment elle s'appelle? Sa chronique déjà. Ah, pas de nom. Ah, pas de nom. Non, moi, j'allais dire peut-être. La chronique à Fugère. La chronique à Fugère. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est un peu simpliste. Bon. Je sais pas. Si ça avait été une chronique sur les vieilles personnes, t'aurais pu dire, mettons, fugériatrique, là, tu sais. Mettons. Ou encore, mettons une chronique sur comment gérer ton stress, fugère ton stress. Mettons quelque chose du genre. Si tu faisais une chronique sur le vieux rock francophone, tu pourrais faire Fugère Boulet. Fugère Boulet. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois. Alors, ce jeudi 22 septembre 2011, lui, c'est François Guimarchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. On a du plaisir. On a du plaisir en stéréo. C'est ça, c'est la fin de la semaine pour les émissions quotidiennes et peut-être pour vous aussi, parce que le vendredi, on s'entend qu'il n'y a pas du monde travaille pas même fort. Non. Hein? C'est ça. C'est le vendredi, c'est mollo pour tout le monde. Exact. On va retourner en musique encore un petit peu pour aller entendre du Carré Moellette. Rock On, c'est ça? C'est Rock On que tu me fais. Yeah. C'est ça? C'est pas le Fuck You du rack à baisser. Non, le Fuck You, c'était ça. C'est plus ça? OK. Ouais. On se fait des signes de main. Il y en a des un petit peu trop osés là-dedans. Là. Hey, on était à la radio aussi, là! Hein? Ah, je savais, personne n'entend! Ah, c'est vrai, excuse-moi. Ben, continue de bas. J'aime non, ça. Non, continue. Ben, merci beaucoup, François Landry. Ben, ça fait plaisir, Mathieu Tousignan Plante. Oui, on se retrouve jeudi prochain j'aime à 8h30. Ouais. Est-ce que tu as un autre nom de famille ou un nom non, caché? Non, moi, c'est Landry. C'est pas François. Ben, je m'appelle Joseph, comme tout le monde. Oui, oui, ouais, ben, tout le monde. Lui, son deuxième nom, c'est Fidèle. François Fidèle. Ah, ouais. Ouais. Comme Fidèle Lachance. Plus comme Fidèle Cachon. Le chanteur. Non, on connaît pas. Moi, c'est Joseph Serge. Serge! Mathieu Tousignan Plante, ouais. Serge! Oh, hein? Serge! Il s'appelle The Serge. Wow! T'aurais pas dû dire ça, toi? Ben, trop tard. Trop tard. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 19 septembre 2011. Au début, là, François est caché dans des feuilles. C'est super la fin. J'aime passer des matins comme ça. avec François. Donc, écoutez-nous du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'est François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Ça, c'est moi, là, l'autre, là, le gars qui fait des jokes, là, puis qui se pense donc drôle, puis qui rit de ses propres blagues. C'est moi, ça. C'est moi, c'est un modèle à suivre. Lundi au jeudi, 7h à 9h, Assemblage Requis sur C'est Fou. Et allez voir assemblagerequis.com pour télécharger les balados diffusion des émissions complètes. Si jamais vous en avez raté une cette semaine, là, chez moi, écoutez-la deux fois pour compenser pour l'avoir raté. OK? Bon. Vous êtes toujours au palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, c'est The Last Assassins. Jean Leloup, évidemment, avec The Wheel. Ça monte de 5 places, c'était nouveau la semaine passée. Mais tout de suite, voici Brady Gardy qui descend d'une place. Troisième semaine, voici Et si jamais sur C'est Fou, 89.1 FM. Hein? Ça, là, c'est la radio, là, en ce moment, là, dans votre radio, là. C'est ça. T'sais, si jamais vous êtes tombé dessus par hasard, là, notez-la. Appuyez sur le bouton, souvent. Tu tiens le bouton, puis ça la retient dans ton... dans l'auto. Pratique à savoir. Better empty your mind. Jean-Louis, The Last Assassins avec The Wheel. Ça monte de 5 places en 11e position anglo. C'était nouveau la semaine passée. Et avant, on a entendu Bradycardie avec Et si jamais. Et ça, ça descend de une. C'est sur leur album qui s'appelle aussi Bradycardie. Quel hasard incroyable. 10e place du côté anglophone, c'est Library Voices. Une autre des pièces qu'on adore, là, je dirais que c'est dans notre top à nous, personnellement, à Assemblage Rocky. Donc, écoutez-nous le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, de 7h à 8h, à 9h. Hein? Quelle belle façon de plugger une émission, ça. Donc, Library Voices avec If Raymon Carver Was Born in the 90s, c'est stable, mais on va débuter juste là, avec les Breastfeeders qui montent de 10 places. C'était nouveau la semaine passée, donc ça a franchi la moitié du palmarès d'un coup sec. Voici Mes Lunettes Noires sur C'est Fou dans vos oreilles. Rehearsing exit strategies for my escape. All my friends are Larry Voices avec Ephraim and Carver was born in the 90s, stable en 10e sur leur album Summer of Last. Et avant entendu les Breastfeeders avec Mes lunettes noires, ça monte de 10 places et c'était nouveau la semaine passée sur l'album Dans la gueule des jours. En 9e place maintenant du côté anglo, on retrouve Camp Radio avec la pièce The Girl Who Stole My Motorbike. Ça monte de 6 places. Mais tout de suite, voici du côté francophone Kid Sentiment et l'ancien numéro 18. Donc, augmentation de 9 places. Hey, j'ai réussi à calculer. Quand même pas si pire. C'était le vol la semaine passée. Les voici, Kid Sentiment au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. La crème de la crème.

très relax, mais aussi très bonne pièce. The National Parks Project, Long Time Before This, en position numéro 8, anglophone, ça monte de 4 places. Et avant, c'était Gatineau avec de l'importance d'être constant, l'important d'être content. Ça monte de 9 places, c'était nouveau la semaine passée sur l'album. Karaoke King, Kingdom Come. Position numéro 7, anglo maintenant, c'est Miracle Fortress avec Tracers qui descend de 3. Et là, ce qui va commencer, c'est Philippe B avec une autre pièce très très relax. J'aurais pu me choisir un fond beaucoup moins déjanté que ça. Voici Petite Leçon des Ténèbres au 89.1 FM. Hein? Faites pas du tout ce fond-là. Hein? Du tout. Quand le vieux soleil a retrouvé ma tête, quand mille corneilles viendront troubler la fête, quand viendra le soir, sur la ville conquise, quand il fera noir jusqu'au fond des églises, je fermerai toutes les lumières de l'appartement une à une, lentement, comme une prière. Je garderai les yeux ouverts et je verrai plus clair en dedans, en dedans. Numéro 7. Miracle Fortress. Miracle Fortress, hein? Beaucoup d'air roulé ici. Avec Tracers, position numéro 7, ça descend de 3 places. Et du côté franco, on a entendu Philippe B avec Petite Leçon des Ténèbres. Et ça, ça monte de 5. Oui, sur l'album Variation Fantôme. Elle nous reste les 6e places avant de terminer cette deuxième heure de l'émission. Du côté anglo, il y aura Huckerville River avec Wake and Be Fine qui monte de 2 places. C'est vraiment la pièce, je regarde ça, la plus vieille des palmarès. Elle est là depuis 9 semaines sur l'album I Am Very Far. Alors que du côté franco, on débute avec l'ancien numéro 1 de la semaine passée. C'est Bravo Funken, voici Boîte à Savon. Sur C'est fou, c'est les palmarès! Au 89 FM. Oui. C'est fou pour 89 FM, c'est la même station. Hein. C'est pareil en deux. Tic-tac, tic-tac, tic, le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Auras-tu terminé à temps pour la grande course du printemps? Le tournoi des amants. Nous déballerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. Pour faire une voix dans le corps où le vent viendrait par derrière. Nos yeux seront les plus lumières. Thank you. Miracle Fortress avec Tracers, position numéro 7 du palmarès anglophone. C'est la fin de la deuxième heure des palmarès. C'est fou, il nous en reste une troisième tantôt. Il va y avoir de très bon matériel dans cette dernière heure-là. Ça va être génial. Monogrenade, Galaxy, Erewhon, Majub, Renard Frac, Mother Mother, Black Lips, Man Man, Chad Van Galen et Timber Timber s'en viennent. Alors restez avec nous, c'est les palmarès. C'est fou. Des palmarès, c'est fou pour la semaine du 19 au 25 septembre 2011. Moi, c'est toujours Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est toujours en congé. Elle va être de retour avec nous la semaine prochaine. En tout cas, elle devrait. Il nous reste le top 5 à faire dans cette troisième heure. On va avoir beaucoup de plaisir parce que c'est de la très, très bonne musique dans le top 5. Même le reste du palmarès, c'est aussi. Mais le top 5 est particulièrement savoureux cette semaine. Mais avant d'entrer dans le top 5, dans le vif du sujet, il nous restait le numéro 6 anglophone à entendre. On l'a pas entendu. C'est Tuckerville River avec Wake and Be Fine qui monte de deux, places. Donc, les voici tout de suite. Tuckerville River au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. C'est fou, 89. Every every heart is a lonesome hunter. Timber Timber et Lonesome Hunter en position numéro 5. Ça monte de deux places et avant, on a entendu Renard Frac avec le Sal Wave. Excellente pièce qui monte de la position numéro 19, c'était nouveau la semaine passée. Et son nouvel album s'appelle Votre nouveau guide spirituel. Alors, on est rendu au position numéro 4. Hein, les choses avancent très très vite. Du côté anglo, on entendra Chad Van Gallen avec un rap Replace Me qui monte d'une place. Mais tout de suite, voici Erewhon qui monte aussi d'une place. Quelle coïncidence. Voici le roi. On va rester fou. We'll be right back. Chad Van Gerlin et Replace Me en position numéro 4. Ça monte d'une place du côté anglophone. Et avant, en franco, c'était Erewhon avec Le Roi qui monte de une seule position. Et ça, c'est là depuis 5 semaines dans les palmarès sur l'album Les Canaux. Comme je le disais tantôt, les choses avancent très très vite. Il nous reste environ une quarantaine de minutes à l'émission et le top 3 commence à l'instant. Du côté anglophone, on va entendre l'ancien numéro 1 anglophone, Mother Mother avec Problems. Mais tout de suite, voici du côté francophone, une montée de 10 places pour Monogrenade avec Immobile au 89 FM. C'est fou. Passer à côté de moi, je vais rester blindé. Bien les choses, je veux rester. Another Mother est lancé numéro 1 anglophone. La pièce Problems sur leur album Eureka. Et avant, on a entendu Monogrenade avec Immobile qui monte de 10 places. Donc, tant mieux pour eux et dommage pour l'autre. Lancé numéro 1, j'aurais aimé ça deux semaines de suite au numéro 1. Ça m'aurait fait plaisir. Mais non. C'est comme ça. Il nous reste les positions 2 et 1 à entendre. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre après ça. On essaiera de voir peut-être une pièce qu'on a sauté, quelque chose de genre. Donc, le numéro 2 anglophone, c'est Madman avec Knuckle Down qui monte d'une place. On commence avec Malajube qui monte de 2. Voici tout de suite Sansu au palmarès C'est fou. Et restez avec nous parce que l'émission continue. Puis après ça, il y a d'autres émissions. Ah, c'est fou. C'est comme une station de radio, tu sais. Vous aurez comme plusieurs émissions qui vont une après l'autre. T'sais. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Totally confused by you. Numéro 2. We'll be right back. Madman avec Knuckle Down en position numéro 2, ça monte d'une place, 7e semaine de présence. Et avant, c'était Malajube avec Sans Su qui monte de 2. Et c'est sa 5e semaine à cette pièce de l'album La Caverne de Malajube. Il reste seulement les positions numéro 1 à entendre. Caroline, déjà, il reste 20 minutes à l'émission. Deux dernières petites pièces après ça. Une pièce qu'on a sautée, une pièce peut-être bonus si vous êtes gentil à la fin du top 30 des albums. C'est ce qui s'en vient, mais pour l'instant, donc numéro 1. Et quand on joue numéro 1, c'est évident, ça vient avec. Faut faire des jeux de mots poche. Et comme le veut l'habitude, j'ai pas regardé mes feuilles. Donc, je vais devoir chercher très, très, très loin. Loin comme si j'avais un télescope et que je regardais au loin les autres planètes, ensuite les autres galaxies. Hein? Les autres galaxies. On comprend le groupe, c'est Galaxies. Hein, tu sais? Vous êtes intelligent. Faut le dire, tu sais, les auditeurs des Palmarès C'est fou, c'est des palmiers, vous le savez. Les auditeurs d'Assemblage requis, c'est les requins. Et là, les requins sont particulièrement intelligents. Les palmiers, des fois, tu sais, il faut se faire surprendre des fois, une fois de temps en temps. Tu les sous-estimes, les palmiers, finalement, sont super intelligents. Tu sais, requin tigre, c'est le nom de la pièce, mais je n'ai rien trouvé. C'est ça. Un tigre mange peut-être à côté d'un palmier. Non, je sais pas. Je sais pas. Du côté anglophone, je suis gêné de mes jeux de mots, c'est normal. Je parle tellement avec des jeux de mots mauvais qu'à un moment donné, j'ai envie de me barbouiller la face et je finirai par avoir les lèvres noires avec mon crayon Black Lips, c'est le nom du groupe en anglais. Hein? Je pense que... Est-ce que c'était numéro... Ça a déjà été numéro 1, ça? Je me rappelle pas, mais il me semble que Modern Art, j'ai déjà fait un jeu de mots là-dessus, fait que j'en fais même pas. Mais j'allais dire que mes jeux de mots, c'était de l'art moderne. Donc, il faut pas poser de questions dans ce temps-là. Modern Art de Black Lips se suivra à Galaxy. Avec Requin Tigre, tout de suite au Palmarès, c'est fou. Yeah. C'était les positions numéro 1 des deux côtés au palmarès C'est fou, mais avant de dire le numéro 1, on fait un petit récapitulatif, comme on aime bien le faire. Top 3, donc anglophone. Il y a eu Mother Mother, oui, avec Problems dans ce numéro 1. En deuxième, c'est Madman avec Knuckle Down. Et on vient d'entendre Black Lips avec Modern Art, qui monte de 5 places en première position. Du côté francophone, en troisième, c'était Monogrenade avec Immobile. En deuxième, Malageux avec Sansu. Et on a entendu, il y a quelques minutes à peine, le numéro 1 qui monte d'une place, Galaxy avec Requin Tigre, sur leur album Tigre et Diesel. Hein? Des mots là, qui sont allés chercher pas mal n'importe où pour essayer de faire des duos avec ça. Mais c'est réussi. Très, très réussi. Donc pour les deux top 20, francophones et anglophones, on a encore un petit peu de temps pour retourner en arrière. Je sais pas si mon effet sonore de rembobinage existe toujours. Non, excuse-moi, pas mon effet sonore. Si mon tape cassette est toujours en train capable de reculer. Oui, ben parfait. On écoute Metagruo. Voici Jupiter. C'est en position numéro. Colin. Numéro. Oh, oui. Oh, super. Position numéro 18. Jupiter descend de la 6e place. Pas mal assis. I'm Petit retour en arrière de pas grand-chose, finalement, pour entendre une pièce qu'on avait sautée plus tôt dans l'émission. C'était Jupiter de Métagruau en position numéro 18. Descendait de la 6e place. Voilà pour les palmarès, c'est fou. On se quitte comme ça, subtilement. Transitionnons vers pour les auditeurs du jeudi où on est en direct entre 14h et 17h. Ce qui suivra, ce sera La Sécheuse. Pour les auditeurs du vendredi où on est rediffusé entre 17h et 20h, ce qu'il y aura après nous, c'est les Lutins de l'Enfer avec un petit peu de metal. On joue aussi les lundis à 13h et puisqu'après nous, c'est la nouvelle émission. Le boudoir, c'est une nouvelle émission de musique émergente avec deux ladies super funky. Hein? Elles sont très funky, vous allez voir. Le boudoir à 16h. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et pour télécharger les balados diffusion. Moi, je vous retrouve, comme je vous disais, jeudi prochain en direct à 14h et à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Yves Marchand et moi-même. On va se quitter avec quelque chose de spécial. C'est rare qu'on a du temps pour ça avec une émission de 3h et 40 pièces. Disons que c'est souvent serré, on doit même sauter des choses. Mais aujourd'hui, on a un petit peu de temps libre étant donné que je suis seul. Donc, on va l'entendre une pièce d'une des positions du top 30 des CD. C'est la 27e place où on retrouve Deep Dark Woods avec leur album The Place I Left Behind. On va écouter l'extrait All the Money I Had Is Gone. C'est ce qui s'en vient. Passer une excellente journée, soirée, semaine et tout ce que vous voulez. Et c'était Mathieu Plante en passant. Bye. Pas important, là. Je dis ça à la fin, c'est vraiment pas important. Two, three, four. I've been waiting here for days, trying to catch a break. But the way I'm living, it's gonna cause my heart to ache. 'Cause all the money I had is gone. All the money I had is gone. I've been high and I've been low. I've been east and I've been west. But the way it goes, I'll never get any rest. 'Cause all the money I had is gone. All the money I had is gone. Gets nothing done. If I had some money, I'd be on the run. But all the money I had is gone. All the money I had is gone. All the green. Live around this land, they'll be wiped away come judgment day. But all the money I had is gone. All the money I had is gone.